bravo, pas délicat dans l'escalier. J'ai le guidon et la tête dans la nappe. keskellä, vuoden tunnissa liika väsyy. Thank you.